Jacques, notre hôtesse, buvons un coup. Cela rafraîchit la mémoire. Buvons. Le marquis déposa Madame de la Pommeraye à sa porte, et Madame de la Pommeraye n'eut rien de plus pressé que de témoigner à nos deux dévotes combien elle était satisfaite de la manière dont elles avaient rempli leur rôle. Jacques, si elles continuent comme elles ont débuté, monsieur le marquis des Arcis, fussiez-vous le diable, vous ne vous en tirerez pas. Le maître, je voudrais bien savoir quel est leur projet. Jacques, moi, j'en serais bien fâché, cela gâterait tout. L'hôtesse, de ce jour, le marquis devient plus assidu chez Madame de la Pommeraye, qui s'en aperçut sans lui en demander la raison. Elle ne lui parlait jamais la première des deux dévotes. Elle attendait qu'il entamât ce texte, ce que le marquis faisait toujours d'impatience et avec une indifférence mal simulée. Avez-vous vu vos amis? Non. Savez-vous que cela n'est pas trop bien, madame? Vous êtes riche, elles sont dans le malaise, et vous ne les invitez pas même à manger quelquefois. Je me croyais un peu mieux connu de monsieur le marquis. L'amour autrefois me prêtait des vertus. Aujourd'hui, l'amitié me prête des défauts. Je les ai invités 10 fois, sans avoir pu les obtenir une. Elles refusent de venir chez moi, par des idées singulières. Et quand je les visite, il faut que je laisse mon carrosse à l'entrée de la rue et que j'aille en déshabillé, sans rouge et sans diamant. Il ne faut pas trop s'étonner de leur circonspection. Un fort apport suffirait pour aliéner l'esprit d'un certain nombre de personnes bienfaisantes et les priver de leur secours. Marquis, le bien apparemment coûte beaucoup à faire, surtout aux dévots. Puisque le plus je prétexte suffit pour les en dispenser. Si l'on savait que j'y prends intérêt, bientôt on dirait « Madame de la Pommeraye les protège. Elles n'ont besoin de rien. » Et voilà, les charités supprimées. Les charités? Oui, monsieur, les charités. Vous les connaissez? Elles en sont aux charités. Encore une fois, marquis, je vois bien que vous ne m'aimez plus et qu'une partie de votre estime s'en est allée avec votre tendresse. Et qui est-ce qui vous a dit que si cette femme était dans le besoin, des aumônes de la paroisse, c'était de ma faute? Pardon, madame, mille pardons, j'ai tort. Mais quelle raison de se refuser à la bienveillance d'une amie? Ah, marquis, nous sommes bien loin, nous autres gens du monde, de connaître les délicatesses scrupuleuses des âmes timorées. Elles ne croient pas pouvoir accepter les secours de toute personne indistinctement. C'est nous ôter le meilleur moyen d'expier nos folles dissipations. Point du tout. Je suppose, par exemple, que monsieur le marquis des Arcis fut touché de compassion pour elle. Que ne fait-il passer ses secours par des mains plus dignes? Et moins sûres, madame. Cela se peut. Dites-moi, si je leur envoyais 20 louis, croyez-vous qu'elle les refuserait? J'en suis sûr. Et ce refus vous semblerait déplacé dans une mère qui a un enfant charmant. Savez-vous que j'étais tenté de les aller voir? Je le crois. Marquis, marquis, prenez garde à vous. Voilà un mouvement de compassion bien subi, bien suspect. Quoi qu'il en soit, m'aurait-elle reçu? Non, certes. Avec l'éclat de votre voiture, de vos habits, de vos gens et les charmes de la jeune personne, il n'en fallait pas davantage pour apprêter au caquet des voisins, des voisines et les perdre. Vous me chagrinez, car certes, ce n'était pas mon dessein. Il faut donc renoncer à les secourir et à les voir. Je le crois. Mais si je leur faisais passer mes secours par votre moyen, je ne crois pas que ces secours-là assez purs pour m'en charger. Voilà qui est cruel. Oui, cruel, c'est le mot. Quelle vision, marquise! Vous vous moquez, une jeune fille que je n'ai jamais vue qu'une fois. Mais du petit nombre, marquis, de celles qu'on n'oublie pas quand on les a vues. Il est vrai que ces figures-là vous suivent.